نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons inshallah les explications des 40 Nawawiyya, des 40 hadiths de l'imam Nawawi, et toujours au hadith numéro 2, et cette fois-ci nous avons débuté les explications sur le cinquième pilier de la foi, qui est la croyance au jour dernier. La croyance au jour dernier. Et pour résumer ce qu'on a vu sur ce sujet, afin d'avoir les idées bien claires pour continuer correctement, inshallah, le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, a mentionné que al-murad bil yawm al-akhir ma ba'd al-maut kulluhu huwa al-yawm al-akhir fa idha mat al-insan wa fadat ruhuhu dakhala fi al-yawm al-akhir wa kharaja min ad-dunya. Donc c'est ça lorsqu'on dit le jour dernier. Qu'est-ce que ça veut dire le jour dernier? Le jour dernier, eh bien, il dit le cheikh hafidhahullah, il dit c'est ce qui est après la mort. Tout ce qui est après la mort, eh bien, c'est le jour dernier, c'est l'yawm al-akhir. C'est-à-dire qu'une fois que l'individu, donc lorsque l'individu meurt, et que donc son âme donc a quitté son corps, il est rentré donc dans le jour dernier, et il est sorti de la dunya. Il est sorti de la dunya, de ce bas monde. Donc on se rappelle ce que ça veut dire le jour dernier. Ça inclut à partir du moment de la mort de l'individu. À partir du moment qu'il est mort, il est rentré dans le jour dernier. D'accord ? C'est tout ce qui va se dérouler après la mort. C'est ça, le jour dernier. Et ensuite, il a expliqué, le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, les différentes étapes donc après la mort. Une fois que le mort, lorsqu'il est dans sa tombe, il va entendre donc les pas des gens qui vont quitter l'endroit où il a été enterré. C'est la seule chose qu'il peut entendre, le mort. Donc lorsqu'on voit certains qui innovent des choses, qui se mettent au niveau de la tombe et qui se mettent à parler aux morts, ce sont des choses qu'on l'a vu parmi des gens de la communauté musulmane. Ça a été vu, je l'ai vu moi-même. Parce que des gens, eh bien, ils se mettent à parler aux morts. Car c'est un jeune qui était mort d'une crise cardiaque. Et puis, il se met à lui dire, oui, tu étais comme ça, tu étais comme ça. Mais il ne t'entend pas, le mort. Le mort n'entend que les pas des gens. Donc, lorsque les gens quittent l'endroit donc, où est-ce qu'il a été enterré, le dernier sorti, donc les deux anges descendent. Les deux anges descendent et posent ces questions. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est ton prophète? Donc ce sont trois questions. Et s'il réussit à répondre correctement à ces trois questions-là, alors, eh bien, il aura le succès. Il sera victorieux. Tandis que s'il n'y arrive pas, d'accord, eh bien, il aura tout perdu. Et donc, on avait vu que le cas du croyant, eh bien lui, le cas du croyant, il va répondre donc à ces trois questions. Quel est ton Seigneur? Il va dire, mon Seigneur, c'est Allah. Quelle est ta religion? Ma religion, c'est l'islam. Quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Eh bien, c'est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Comment l'avez-vous su? Eh bien, j'ai lu et appliqué. Donc, le croyant, il pourra répondre facilement à ces trois questions-là. Tandis que le munafiq et l'incrédule, eh bien, lorsqu'il y aura ces trois questions-là, eh bien, il ne pourra pas y répondre. Parce que le munafiq, prétendaient avoir la foi avec la langue, mais ils ne croyaient pas avec le cœur. Alors que la foi avec la langue uniquement ne sert à rien. La foi avec la langue uniquement ne sert à rien. Et il faut qu'il y ait la foi avec la langue et la foi avec le cœur. Donc c'est le cas du munafiq, où est-ce que lui, il ne pourra pas répondre. Lorsqu'il sera posé comme question, quel est ton Seigneur? Il va faire, quelle est ta religion? Quel est ton prophète? J'ai entendu des gens dire comme cela, alors j'ai dit comme cela. Et il y a un autre cas d'hypocrite, qui se sont des gens qui en apparence, eh bien, connaissent, ils mémorisent des moutounes, des textes, ils mémorisent des chaînes de transmission. Cependant, lorsqu'il est dans la tombe et qu'il sera questionné, eh bien, il va avoir un blocage, il ne pourra même pas parler. Et la réponse lui sera voilée, cachée. Et il dira, je ne sais pas, mais j'ai entendu des gens dire comme cela quelque chose, alors j'ai dit, sans ne rien savoir du tout, et sans y croire. Alors il sera dit, et donc alors, il sera dit, eh bien, mon serviteur a menti, alors étendez-le avec ce qui est du feu. Et ouvrez-lui une porte vers le feu. Alors que le croyant, il sera ouvert une porte vers le paradis. Lui, le croyant, qui répondra aux questions, et une porte vers le paradis lui sera ouverte dans sa tombe, il demandera à Allah Azza wa Jal à ce que le jour de la résurrection, ce soit le jour de la résurrection. Ça y est, que ce jour-là de la résurrection arrive. D'accord ? Donc, pour qu'on distingue bien, lorsqu'on dit le jour dernier, c'est tout ce qui va se dérouler après la mort. D'accord ? Le jour de la résurrection, là, c'est lorsque Allah Azza wa Jal, il recréera tous les individus et ils seront donc, ils seront là pour le jugement. D'accord ? Donc lui, le croyant, il répondra aux questions et une porte vers le paradis lui sera ouverte dans sa tombe. Et donc il voudrait que le jour de la résurrection arrive le plus vite possible, que Allah Azza wa Jal fasse que ça y est, c'est Yawm al-Qiyam. D'accord ? Le jour où tous les gens donc viendront debout. Tandis que lui, le munafiq. D'accord ? Et même que c'était un individu, que c'était un munafiq qui mémorisait des textes et des hasanid et des chaînes de transmission, lorsqu'il sera questionné, eh bien, il dira qu'il ne sait pas. Il a entendu les gens dire quelque chose, alors il a dit sans le comprendre et sans y croire. D'accord ? Donc une porte vers l'enfer lui sera ouverte. Et lui, il ne voudra pas que le jour de la résurrection, le Yawm al-Qiyam arrive. Pourquoi ? Parce que ce qui l'attend est pire que ce qui est en train de connaître dans sa tombe avec cette porte-là qui est ouverte vers le feu, qu'Allah nous en préserve. Donc on s'était arrêté sur ce point-là. Donc ensuite il dit le Cheikh Salih al-Fawzan hafidahullah. Il dit وَهَذَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Dans sourate Ibrahim, le verset 27, donc il dit le Cheikh Salah al-Fawzan, Hafizahullah, il mentionne donc ce verset 27 de sourate Ibrahim en disant, eh bien c'est ce que ce verset-là montre. Dans la traduction du sens du verset 27 de sourate Ibrahim, Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Donc dans la vie présente, il dit le cheikh, كما أنهم عاشوا على القول الثابت في الدنيا والإيمان الصادق فإن الله يثبتهم في القبر وعند السؤال. Donc Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Il dit le cheikh, eh bien, comme ces croyants-là qui sont mentionnés dans ce verset 27 de sourate Ibrahim, comme ils ont vécu avec une parole ferme dans cette vie d'ici-bas et avec la foi véridique, eh bien Allah Azza wa Jal les raffermit dans la tombe et lors du questionnement. وَيُضِلُّ et Allah fait, yani, et tandis qu'Allah égare les injustes, فلا يستطيعون الإجابة والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc le fait que Allah Azza wa Jal dise tandis qu'Allah égare les injustes, il dit le Cheikh Hafizahullah, dit eh bien eux ces injustes là, ils ne pourront pas donner de réponse, ils ne pourront pas répondre. Et il dit et les ahadith concernant la tombe et ce qui va se dérouler dans la tombe et le châtiment de la tombe, d'accord ? Eh bien, les ahadiths dans cela sont nombreux. Les ahadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur cela sont nombreux. Et il y a une note qui est mentionnée. Qala ibn Abi al-Izz. Il a dit ibn Abi al-Izz. Wa qad tawatirat al-akhbar an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi thubut azab al-qabr. ونعيمه لمن كان لذلك أهلا والسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. انظر شرح العقيدة التحوية. Donc en bas de note, la note qui est en bas de page, elle mentionne sur le fait que le cheikh avait dit Hafidhahullah que les nombreux textes sur ce sujet-là, il y a de nombreux textes sur ce sujet-là du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Ibn Abi al-Izz a dit, il y a de nombreuses informations du prophète Mohammed, de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, confirmant le châtiment de la tombe, et confirmant les bienfaits dans la tombe, yani pour celui qui connaîtra donc ces bienfaits-là pour le croyant, d'accord ? Ainsi que le questionnement des deux anges. Il est obligatoire donc de croire à croire à la conformité et à la véracité que cela va se dérouler et d'avoir la foi en cela. D'accord ? Et cela c'est tiré de Sharh al-Aqidah al-Tahawiyya. Wa ahlu sunna wal jama'a mujmi'un 'alayhi. ولم ينكروه إلا المعتزلة الذين يعتمدون على عقولهم والعقلانيون الآن الذين هم أفراخ المعتزلة وهم على هذا المذهب. Donc il dit, les gens de la sunna et du consensus, d'accord, les gens de la sunna et du consensus, eh bien sont unanimes sur le fait qu'il va y avoir un châtiment de la tombe et le fait qu'il va y avoir donc des bienfaits dans la tombe. Dernier, ils sont unanimes sur le fait, sur tout cela, sur les questionnements des anges, d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui renient cela. Et donc, il dit, et les gens de la sunna et du consensus donc sont unanimes sur le fait qu'il va y avoir ce châtiment de la tombe-là, qu'il va y avoir le questionnement des deux anges, qu'il va y avoir donc aussi des bienfaits dans la tombe pour les croyants. D'accord ? Ils sont unanimes sur cela et ils ne le renient pas, excepté les Mu'tazila, qui eux, bien sûr, ne font pas partie des gens de la sunna et du consensus. Donc les Mu'tazila, eh bien, comme on l'avait déjà vu hein, plusieurs fois, sur cette secte égarée, eh bien eux, les Mu'tazila donc renient le châtiment de la tombe. Ils se basent, eux, sur leur opinion, sur leur raison. D'accord ? Ainsi que ceux qui fonctionnent avec leur raisonnement, qui ne sont en fait que les enfants des Mu'tazila. Les enfants des Mu'tazila. Et qui sont sur cette voie-là. وهذا الذي يلاقيه في القبر أول اليوم الآخر. Donc, ce qui va donc, la première chose qui va se dérouler dans la tombe, d'accord, eh bien, c'est le premier jour dernier. Donc la première chose qui va se dérouler dans la tombe, eh bien, c'est le premier jour dernier. فإذا نجا الإنسان من القبر فما بعده أيسر منه. Donc si l'individu réussit dans la tombe, il réussit les questionnements, il réussit dans la tombe, eh bien, ce qui viendra après sera plus facile. وإن لم ينجح فما بعده أشد منه. Et s'il ne réussit pas dans la tombe, ce qui va se dérouler dans la tombe, eh bien, ce qui viendra après sera beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. فَأَوَّلُ بَوَابَةٍ لِلْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ الْقَبْرِ. Donc, la première porte du jour dernier, c'est la tombe. وَالدُّورْ ثَلَاثٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ دَارُ الدُّنْيَا وَهِيَ دَارُ عَمَلٍ دَارُ الْبَرْزَخِ وَهُوَ الْقَبْرُ وَهُوَ دَارُ انْتِظَارٍ ودار القرار وهي الدار الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار. Ensuite, le Cheikh Salah al-Fawzan, hafizullah, il dit, et donc la tombe, d'accord, c'est la première porte du jour dernier. Et il y a trois types de demeures. La demeure d'ici-bas, qui est une demeure d'œuvre, où les gens œuvrent, agissent. Darul Barzakhi, donc c'est la demeure de la, littéralement la barrière en fait, c'est le temps en fait qu'il y a entre le jour de la résurrection et, il y en a une fois que l'individu est mort et jusqu'au jour de la résurrection, et il dit, وَهُوَ الْقَبْرِ, donc c'est, cette demeure-là, c'est la tombe, c'est la demeure de l'attente, c'est la demeure de l'attente. وَدَارُ الْقَرَارِ وَهِيَ الدَّارُ الْآخِرَةِ. Darul Qarar, c'est la demeure de la stabilité, si on veut être précis. La demeure de la stabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce qu'on sait que dans la dunya, dans ce bas monde, l'individu, il va pas y demeurer éternellement. D'accord? Il est un voyageur dans cette dunya, dans ce bas monde. Il est un passager. Donc il n'est pas stable. Puis, il y a la demeure dans laquelle c'est la tombe, c'est la demeure de l'attente, d'accord? Le temps qu'il y a, une fois qu'il est mort jusqu'au jour de la résurrection. Et il y a la demeure donc de la stabilité, où est-ce que là, hein, c'est la demeure de l'au-delà. C'est là où est-ce que l'individu il va être stable, donc soit au paradis, soit en enfer, d'accord? Et là, c'est pour l'éternité, d'accord? وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. Ensuite, le Cheikh Hafidhullah, il mentionne le verset 39 de Sourate Ghafir, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. فَيَسْتَقِرُّ النَّاسُ فِيهَا إِلَى الْأَبَدِ فِي الْجَنَّةِ أَوْ فِي النَّارِ. Donc, les gens vont y demeurer, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'ils vont s'établir, ils vont être stables, d'accord? Ils vont s'établir, soit au paradis, soit en enfer, là où ils seront mis, soit au paradis, soit en enfer. فَالْآخِرَةُ تَبْدَأُ مِنَ الْمَوْتِ. Donc, l'au-delà commence avec la mort. وَأَوَّلُ مَا يَكُونُ فِيهَا عَذَابُ الْقَبْرِ أَوْ نَعِيمُ الْقَبْرِ. Et la première chose donc qui va se dérouler, c'est soit le châtiment de la tombe, soit les bienfaits dans la tombe. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que le châtiment dans la tombe. Il y a le châtiment dans la tombe pour les kuffars et les munafiqin. Et il y a les bienfaits dans la tombe pour les croyants. D'accord? Donc l'au-delà commence avec la mort. Et la première chose qu'il y a, c'est soit le châtiment de la tombe, soit les bienfaits dans la tombe. فَالْقَبْرُ فَاصِلٌ بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ الْآخِرَةِ. Donc, la tombe est, yani, on va dire, le trait d'union entre le bas monde et l'au-delà. وَهُوَ مَحَتَّةُ انْتِظَارٍ. C'est une station d'attente. وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْبَرْزَخِ. سُمِّيَ بِالْبَرْزَخِ. C'est pour cela que ça a été dénommé comme étant le barzakh, c'est-à-dire, yani, littéralement, la barrière. D'accord? La barrière. لِأَنَّ الْبَرْزَخَ هُوَ الْفَاصِلْ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ. Parce que la barrière, donc, c'est ce qui va séparer entre deux choses. D'accord? Donc la tombe, c'est la séparation entre donc le bas monde et l'au-delà. La station de l'attente. D'accord? وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الله يبعث هذه الأجسام من قبورها فتقوم لرب العالمين متكاملة الخلقة كما كانوا في الدنيا متكامل الخلقة لا يضيع منها شيء. Donc ensuite il dit le Cheikh Hafidahullah. Donc voilà, ça fait partie, là il mentionne les différents points qui font partie de la croyance au jour dernier. Tous les points qui font partie de la croyance au jour dernier. Il dit, il y a également parmi la foi au jour dernier, le fait d'avoir la foi, croire, donc avoir la foi, qu'Allah, eh bien, tous ces corps-là qui sont morts, eh bien, Allah Azzawajal les enverra, d'accord, à partir de leur tombe. Et ils seront debout devant Allah, le Seigneur des mondes. Ils seront entiers. Donc, ils seront totalement, ils seront totalement recréés. Allah Azzawajal les recréera totalement, comme ils étaient, sans rien qui leur manque. D'accord? Ça fait partie de la croyance au jour dernier. Comme ils étaient dans ce bas monde, donc, yani, complet dans comment qu'Allah Azzawajal les a créés, eh bien, ils seront comme cela, d'accord? Le jour dernier, lorsque Allah Azzawajal les recréera, pour qu'ils soient tous debout devant Allah, le Seigneur des mondes. D'accord? فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية طارت الأرواح من الصور وهو القرن ودخلت كل روح في جسمها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Donc ensuite il dit le Cheikh Hafidhahullah, il dit lorsque Israfil soufflera dans la trompe la deuxième fois, eh bien, toutes les âmes donc retourneront dans leur corps. Et ensuite, il a mentionné le verset de Surat Az-Zumar, le verset 68, où dans la traduction du sens du verset, puis on y soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر. Puis ils seront ordonnés de se diriger vers المحشر. C'est là où est-ce que tous les gens vont être réunis. Ensuite, il mentionne le verset de Surat Al-Ma'arij 43. يخرجون من الأجداث سراعا. Le jour où ils sortiront des tombes rapidement. Ya'ni bisur'a, c'est-à-dire rapidement. فلا يتخلف أحد أو يختفي أحد كلهم يسيرون إلى المحشر يقومون من قبورهم ويساقون إلى المحشر فيحشرون فيه ويقفون فيه على أقدامهم من أول الخلق إلى آخرهم في موقف واحد حفاة عراة غرلا. Donc il dit ensuite, le cheikh Hafidahullah, il dit, donc lorsque Israfil soufflera la deuxième fois dans la trompe, toutes les âmes retourneront dans leur corps. Puis ils seront ordonnés de se diriger vers Al-Mahshari, c'est l'endroit où tous les gens seront réunis et ils iront de façon rapide. Et personne, ne manquera. Tous iront. D'accord ? Donc tous iront vers vers Al-Mahshari, c'est-à-dire l'endroit où tout le monde sera, toutes les créatures, donc tout le monde sera réuni là, lorsque les âmes reviendront dans leur corps. Donc ensuite ils seront ordonnés de, alaykoum salam wa rahmatullah. Ensuite ils seront ordonnés donc de se diriger vers cet endroit-là. D'accord ? Parce que tous les gens seront réunis. Donc ils se lèveront de leur tombe et seront dirigés vers cet endroit-là qui est le Mahshari, l'endroit où tout le monde sera réuni. Donc ils seront réunis là-bas. Et ils seront mis debout sur leurs pieds depuis la première créature jusqu'à la dernière. Depuis la première créature jusqu'à la dernière. Et ils seront tous, donc, à cet endroit-là, réunis là, et ils seront dans le même état, dans le sens où est-ce qu'ils seront ni vêtus, ni chaussés, ni circoncis, et ils auront la nudité apparente. Donc il dit, le cheikh, hafidhahullah, il dit, « Hufatan leysa alayhim ni'al » C'est-à-dire qu'ils seront, ils ne seront pas chaussés, ils n'auront pas de sandales. « Uratun leysa alayhim thiyabun » C'est-à-dire qu'ils seront nus, ils n'auront aucun vêtement. « Ghurlan ghayra makhtunin » Et c'est-à-dire qu'ils ne seront pas circoncis. « Fayuhsharuna fil mahshari bimiqdari khamsina alfi sanatin » وهم وقوف على أقدامهم ينتظرون ماذا يفعل بهم الله المستعان. Donc il dit, le cheikh hafidahullah, donc ils seront, donc toutes les créatures du premier jusqu'au dernier, ils seront tous réunis dans le mahshar, là, l'endroit où est-ce que toutes les créatures seront réunies, du premier jusqu'au dernier. Ils seront mis debout. Leur âme leur sera rendue dans leur corps, d'accord ? Ils seront donc envoyés donc à cet endroit-là, ils seront mis debout, ils seront ni chaussés, ni vêtus, ni circoncis, et ni habillés. Ils auront une nudité totale. Et ils seront à cet endroit-là, ils seront dans cet endroit-là en train d'attendre 50 000 années. 50 000 années. Dès qu'on dit 50 000 années, barakallahu fikum, le musulman, il croit à ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, à ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il ne va pas commencer à agir comme les mu'tazila, les gens qui veulent utiliser leur propre raison, en ne croyant que à ce qu'il voit. Non, le croyant, il croit à tout ce que Allah Azza wa Jalla a dit, que ce soit ce qu'il voit ou que ça fasse partie de l'invisible. D'accord ? Barakallahu fikum. Donc il dit, le cheikh Sarh al-Fawzan, hafidhahullah, donc ils seront mis à cet endroit-là, et ils seront mis là-bas, pendant donc 50 000 années, debout sur leurs pieds, en attendant, yantadhiruna madha yuf'alu bihim, en attendant ce qui sera fait d'eux. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Ils seront tous debout là-bas et ils se demandent donc qu'est-ce qui va leur arriver. Amma al-mu'min fala yuhissu bihadhihi al-mashaqqa. Tandis que le croyant ne ressentira pas cette difficulté-là dans l'attente. Wa innama alladhi yuhissu bimashaqqa al-hashri huwa al-kafir. Tandis que celui qui va se ressentir la difficulté de l'attente dans le hashr, c'est-à-dire cet endroit-là, là où toutes les créatures seront réunies, ce sont les kuffar, le mécréant. Le mécréant va ressentir la difficulté, tandis que le croyant ne va pas ressentir de difficulté, malgré qu'ils sont mis debout sur leurs pieds, donc pendant 50 000 années. C'est le mécréant, le kafir, qui va ressentir donc la difficulté là-bas. قال تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا. Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens du verset 26 de sourate Al-Furqan, et ce sera un jour difficile aux mécréants. وقال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Dans la traduction du sens des versets 8 à 10 de Sourate Al-Muddathir, quand on sonnera du clairon, alors ce jour-là sera un jour difficile pour les mécréants. ثم ينصرفون من المحشر بعد هذه المدة الطويلة. Puis ensuite, donc, ils quitteront cet endroit qui est le mahshar, donc après ces 50 000 années, donc après ce temps très long, donc ils quitteront donc le mahshar. Donc il dit le Cheikh Hafidhahullah, ثم ينصرفون من المحشر بعد هذه المدة الطويلة إلى الحساب يحاسبون على أعمالهم لا يترك منها شيء. Donc ensuite le Cheikh Saleh Hafidhahullah, il dit, puis donc ils quitteront donc cet endroit-là où toutes les créatures seront réunies, qui est le Mahshar, après cette longue période. Ils quitteront cet endroit pour aller vers le jugement. Ils seront donc jugés sur leurs œuvres. Rien ne sera délaissé. Rien parmi leurs œuvres ne sera délaissé. Rien ne sera laissé comme ça. Ils seront jugés sur toutes leurs œuvres. يُقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا وَيُقَرَّرُونَ بِهَا وَهُنَاكَ مَنْ لَا يُحَاسَبْ فَيَدْخُلِ الْجَنَّ بِغَيْرِ حِسَابْ كَمَا فِي حَدِيثِ السَّبْعِينَ أَلْفَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّ بِلَا حِسَابْ وَلَا عَذَابْ. Ensuite le Cheikh Hafidhullah, il dit, donc les gens quitteront l'endroit du Hashr après cette longue période de 50 000 années pour aller vers le jugement. Ils seront jugés sur leurs œuvres. Rien ne sera délaissé. Ils seront mis debout. Et ils seront jugés sur leurs œuvres. Et ils admettront leurs œuvres. Et il y en a qui ne se feront pas juger et rentreront au paradis sans jugement, d'accord, sans jugement, comme dans le hadith des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment, D'accord? Et ce hadith-là, donc, est rapporté dans les deux sahih Bukhari et Muslim du hadith de Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Donc, il y en a 70 000 qui ne se feront pas juger et rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. D'accord? ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Donc ensuite le cheikh Hafidhullah il dit, et il y en a qui se feront juger, yani d'une, avec un jugement qui est facile. Comme Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Inshiqaq, des versets 8 à 9, dans la traduction du sens, il sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. وَمِنْهُمْ مَنْ يُنَاقِشْ الْحِسَابِ. Et il y en aura qui vont commencer à yani à argumenter sur le jugement. Il y en a qui vont commencer à argumenter sur le jugement. قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. L'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب. Donc quiconque argumente le jugement se fera châtier. وهذه الأصناف الثلاثة في حق المؤمنين فالمؤمن يحاسب حساب موازنة بين حسناته وسيئاته أما الكافر فلا يحاسب حساب موازنة لأنه ليس له حسنات ولكنه يحاسب حساب تقرير يقرر بأعماله حتى يعترف بها. Donc il dit ensuite le cheikh Hafidhahullah, il dit donc concernant donc ces trois types de jugements, eh bien concernant le croyant, il se fera juger avec le... D'accord? Donc il y en a qui vont rentrer au paradis sans jugement ni châtiment. Il y en a d'autres donc qui vont... Il y en a qui vont avoir le jugement facile. Et ils se feront juger avec... C'est-à-dire avec la balance entre leurs bonnes actions, leurs bonnes œuvres et leurs mauvaises œuvres. Tandis que le mécréant, il ne se fera pas juger avec le jugement de la balance. Parce que s'il meurt mécréant, aucune des bonnes œuvres apparentes qu'il a faites n'est acceptée. D'accord? Donc il n'a aucune bonne œuvre. Le jour de la résurrection, celui qui meurt sur la mécréance, il n'a aucune bonne œuvre. D'accord? Mais il se fera juger, d'accord? Il se fera juger avec un jugement de taqrir, ça veut dire que il ne fera qu'admettre. Vous voyez le point qu'on avait vu, où est-ce que il ne devra qu'admettre ce qu'il a fait. D'accord? Il ne fera qu'admettre. يُقَرَّرُ بِأَعْمَالِهِ حَتَّى يَعْتَرِفَ بِهَا. Donc, il admettra, donc, il lui sera dit toutes ses œuvres qu'il a faites. D'accord? Parce qu'il n'a aucune bonne œuvre. Donc, il ne va pas être jugé avec le jugement de la balance, c'est-à-dire peser les bonnes œuvres avec les mauvaises œuvres. Lui, il n'a aucune bonne œuvre, le kafir, le mécréant. Lorsqu'il meurt sur sa mécréance, il a refusé l'islam, il est mort sur sa mécréance. Donc, aucune des bonnes œuvres apparentes qu'il a faites n'est acceptée. Donc, il n'aura que des mauvaises œuvres. Donc, ce qu'il y a, c'est que il se fera juger sur ces œuvres-là que lui devra. Donc, il se fera juger sur ses œuvres et jusqu'à ce qu'il admette toutes les œuvres. Donc, mauvaise qu'il a fait. D'accord ? ثم بعد ذلك الموازين فتوزن الأعمال. Donc après c'est yani après le tout après cette yani le balance entre les bonnes œuvres et les mauvaises, donc les œuvres donc se feront peser. Al hasanat wa sayyi'at, donc les bonnes et les mauvaises. Bi mizan haqiqi lahu kiffatan Donc les bonnes et les mauvaises œuvres donc seront mis donc sur une balance qui est véridique et qui aura deux plats. D'accord? Tuba'u al-hasanat fi kaffa wa sayyi'at fi kaffa. قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Dans la traduction du sens des versets 102 à 103, donc le cheikh Hafidhahullah, il dit, donc les œuvres seront pesées, les bonnes et les mauvaises, elles seront pesées avec une balance qui est véridique, qui a deux plats. Donc, les bonnes œuvres seront mises dans un plat, les mauvaises dans un autre. Allah le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens des versets 102-103 de Sourate Al-Mu'minun, ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'enfer. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ. Puis il mentionne les versets 6 à 9 de Sourate Al-Qari'ah. Dans la traduction du sens, quant à celui dont la balance sera légère, sa destination est un abîme très profond. يعني موازين أعماله فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة فأيهما رجح فإنه يأخذ جزاءه بموجب ذلك من رجحان الحسنات أو رجحان السيئات وهذا من عدل الله أنه لا يظلم أحدا بل يجازي الإنسان بعمله. Donc ensuite il dit, le cheikh Hafidhahullah, il dit donc, il a mentionné ces versets là pourquoi il a mentionné ces versets de sourate Al-Mu'minin 102 à 103, ceux dont la balance est lourde, dans sourate Al-Qari'ah verset 6 à 9, quant à celui dont la balance sera légère. Donc déjà, c'est une preuve qu'il y aura la balance, d'accord ? Et c'est une balance qui est véridique. Vous allez comprendre pourquoi le cheikh mentionne sur cela. Donc il dit donc que les bonnes actions, les bonnes œuvres seront mises sur un plat et l'autre sur l'autre plat, d'accord ? Et lequel des plats donc va peser plus lourd que l'autre. D'accord ? Et l'individu sera rétribué en fonction de ses bonnes œuvres. Si ses bonnes œuvres sont plus lourdes que les mauvaises œuvres, ou bien si ce sont les mauvaises œuvres qui vont peser plus lourdes que les bonnes œuvres. Et cela fait partie de la justice d'Allah le Très-Haut, qui n'oppresse personne, qui n'est injuste avec personne. D'accord ? Mais Allah Azza wa Jal rétribue l'individu en fonction de ses œuvres. En fonction de ses œuvres. Wa huwa mizan haqiqi. Wal mu'tazila yaquluna innahu mizan ghayru haqiqi. Donc c'est une balance qui est véridique. Tandis que les mu'tazila, eh bien eux disent que c'est une balance mais qui n'est pas véridique. وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ إِقَامَةُ الْعَدْلِ. Ils veulent juste dire, les Mu'tazila, non, c'est pas une vraie balance. C'est juste, effectivement, il y a une balance. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'il y a les textes qui le prouvent qu'il y a une balance. Mais eux, ils disent, non, c'est pas une vraie balance, et ils veulent dire que c'est juste l'établissement de la justice. فهو ميزان معنوي معناه العدل بين العباد. C'est juste donc une balance mais sans être véridique, d'accord? C'est juste pour être juste entre les individus. وليس لهم دليل. Ils n'ont aucune preuve sur ce qu'ils avancent excepté leur raison. فهم ينكرونه لأنهم لم يروا الميزان. Eux, pourquoi les Mu'tazila dénigre, renie la véracité de la balance. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne le voient pas. Parce qu'ils ne peuvent pas le voir. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Et ils ne croient pas en l'invisible. وَهَذِهِ أَفَاتُ الْاِعْتِمَادِ عَلَى الْعُقُولِ. Et ça, ça fait partie, et ça, donc, ça fait partie des énormes erreurs, donc, sur le fait de se baser sur sa raison uniquement. لِأَنَّ الْمُؤْمِنِ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى عَقْلِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. Parce que le croyant, il ne se base pas sur sa raison pour toute chose. D'accord ? وَالْعَقْلُ دَلِيلٌ وَلَكِنْ لَا يَكُونَ هُوَ كُلْ شَيْءٍ. Donc, la raison ne peut être utilisée comme une preuve, mais pas pour tout. Mais pas pour tout. هُنَاكَ أَشْيَاءٌ لَا يُدْرِكُهَا الْعَقْلُ. Il y a des choses dont la raison ne peut pas, yani, les concevoir, ne peut pas les, yani, les identifier. Il y a des choses qui peuvent pas, que la raison ne peut pas. فالأمور المغيبة لا يدركها العقل فلا تحكم عقلك فيها. Donc il dit le cheikh Salah al-Fawzan hafidhahullah, il dit donc, considérant les choses de l'invisible, eh bien la raison ne peut pas les atteindre. La raison ne peut pas les atteindre, des choses de l'invisible. D'accord ? Donc, ne juge pas avec ta raison concernant l'invisible. وَإِنَّمَا يُعْتَمَدُ فِيهَا عَلَى الدَّلِيلِ فَقَطْ. Concernant les choses de l'invisible, on se base que sur les preuves uniquement. D'accord ? Parce que la raison, elle ne peut pas l'atteindre. فَهَذَا وَجْهُ إِنْكَارِهِمْ لَهُ. Ça, c'est une des facettes de des reniements des Mu'tazila concernant la balance. وعلى مذهبهم الباطل أن الذي لا يشاهدونه ولا يرونه أنهم ينكرونه أو يؤولونه بغير معناه فهم لا ينكرون لفظ الميزان لأنه ورد في القرآن والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فلا ينكرون لفظ الميزان ولكن يفسرونها ويحرفونها عن معناها كما هو حالهم مع سائر النصوص التي تخالف عقولهم يحرفونها عن معناها الصحيح أما أهل الحق فإنهم يؤمنون بها على حقيقتها ويكلون كيفيتها إلى الله جل وعلا. Donc ici il mentionne le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala que concernant l'invisible, on ne peut pas utiliser notre raison comme preuve. D'accord? Parce que la raison, eh bien, ne peut pas, yani, ne peut pas atteindre, donc, voir ou comprendre les choses de l'invisible. D'accord? On ne peut pas, yani, atteindre les choses de l'invisible. La raison ne peut pas. D'accord? Donc, on ne peut pas utiliser notre raison concernant l'invisible. Mais on se base quoi? On se base sur les preuves uniquement. On se base sur les preuves. Allah Azza wa Jalla a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les sahabes ont dit. D'accord? Eh bien, les Mu'tazila, cette secte Mubtadi'a dégarée, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont renié la véracité de la balance. C'est-à-dire, eux, ils disent, certes, il y a une balance, mais ils ne considèrent pas qu'il y a une vraie balance. Ils considèrent que c'est juste une balance comme ça. C'est-à-dire, yani, pas véridique. Pas véridique. D'accord? Pas véridique. Pour eux, c'est juste une balance de justice entre les serviteurs. D'accord? Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas l'avoir, la balance, mais ça fait partie de l'invisible. Donc c'est pour cela qu'ils ne croient pas en l'invisible. D'accord? Et leur madhab, qui est faux, qui se base sur le fait que ceux qui ne le voient pas et ceux qui ne peuvent pas témoigner, eh bien, ils le renient, ou bien ils se mettent à interpréter Yani, ceux qui ne peuvent pas voir ou qui ne peuvent pas témoigner, eh bien, ils se mettent à l'interpréter sans lui donner son vrai sens. D'accord? Donc, eux, ils ne renient pas la parole de la balance. D'accord? Parce que cela est mentionné dans le Coran, comme le Cheikh a mentionné dans Sourate Al-A'raf, d'accord, les versets 8 à 9, et là, dans la traduction du sens, et la pesée, ce jour-là, sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. D'accord? Et aussi, dans l'autre verset que nous avons déjà cité tout à l'heure, c'était dans Sourate Al-Qari'a, quant à celui dont la balance sera légère, sa destination est un abîme très profond. Donc vous voyez, donc eux, ils ne renient pas en fait la parole de la balance, parce qu'elle est présente dans le Coran. Donc ils ne le renient pas, cette parole-là. D'accord? Mais ils renient donc l'existence de cette balance-là. D'accord? Et eux, donc voilà. Donc eux, ils ne renient pas donc cette dernière, la parole de la balance. Mais ils se mettent à l'interpréter et à détourner son sens, yani à détourner sa signification donc du vrai sens. Et ils agissent de cette sorte-là, de cette façon-là, dans tous les textes. Dans tous les textes qui opposent leur raison, tous les textes qui opposent leur raison, d'accord, dont leur raison n'accepte pas, eh bien ils se mettent à changer, modifier le sens, et ils lui donnent un autre sens, d'accord? Du sens véridique. D'accord? Du sens véridique. Tandis que les gens du Haqq, eh bien ils croient en la véracité. D'accord? En la réalité de cette balance-là. Ils y croient. Cependant, le comment, eh bien, ils laissent cela à Allah le Très-Haut. D'accord? Seul Allah Azzawajal sait. Nous, on y croit, puisqu'Allah Azzawajal l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc, on y croit. On y croit à sa réalité. D'accord? Le comment, eh bien, c'est Allah Azzawajal qui sait. Donc, on va s'arrêter là, inshallah, pour aujourd'hui. Jazakumullah khair. Et on continuera, inshallah, la semaine prochaine, donc la suite de l'explication donc de ce cinquième pilier de la foi qui est le jour dernier. Jazakumullah khair. Subhanakallahum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.